Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie de se retrouver à la maison et je suis vraiment content de revenir, de trouver tout le monde en bonne santé. Et vous aviez les salutations de ceux de Djibou. J'étais le dimanche passé avec la famille de notre frère Justin. J'ai fait le culte dans l'église où son papa fait le ministère. Vous avez les salutations, Olivier aussi, puisque Olivier est un de leurs neveux. Donc vous avez le bonjour de tous ceux de Djibouti. Je dis encore merci à Dieu pour ce nouveau comité. J'encourage les uns et les autres à réellement s'engager. Et j'explique toujours la même chose. En tant qu'enseignant, on dit que la répétition est pédagogique, n'est-ce pas? Peut-être vous allez dire, c'est un poste auquel je prends part tout juste dans cette petite communauté. Oui, c'est vrai, mais vous savez, c'est à travers les petits commencements qu'on atteint les grandes réalisations. Vous apprenez et demain, quand vous allez vous retrouver dans une situation où on vous prend comme un responsable dans une situation plus grande, parce que vous avez déjà eu à faire vos armes dans une petite situation, vous allez bien vous en sortir. Et je vous ai dit, vous êtes déjà les responsables de l'Église. N'est-ce pas? Lucie a dit plusieurs fois ici, si vous n'êtes pas encore fatigué, bon, elle, c'est un terme assez, je peux dire, assez couvert. Quelqu'un allait dire, les jeunes. N'est-ce pas? Bon, tout le monde est jeune, je crois. Si vous comptez dans ce petit bureau-là que vous avez, si vous regardez à ceux qui sont concernés, vous voyez, si vous enlevez ceux qui ne sont pas concernés, c'est tout juste une poignée de gens, n'est-ce pas? Donc, ce bureau, considérez que c'est assez important et toutes les activités que vous allez entreprendre, faites-le de bon cœur et laissez-vous diriger par le Seigneur. C'est l'occasion où chacun peut faire quelque chose et je vous ai dit, ne chauffez pas les bancs, engagez-vous, faites quelque chose. Quand on va vous envoyer sur le terrain, vous n'allez pas être, en fait surpris. Le frère Marcel, qui est actuellement à Koudougou, m'a donné l'expérience. Il a dit quand ils se sont retrouvés avec un autre de ses collègues, ils faisaient presque les mêmes choses. Et puis à l'église, le pasteur a dit bon voilà, un tel va faire ça, l'autre va faire ça. Bon, Marcel n'avait pas de problème parce que lui il est habitué. Et lorsque son collègue est venu le voir, il a dit ah, le pasteur là. Il nous met dans des tâches comme ça. Moi, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Et puis, je n'ai jamais fait ça. Bon, il a dit, mais va le voir. Ce n'est pas moi, Marcel, qui vais te dire ça. Vous voyez, c'est Marcel qui a été celui-là qui a soutenu son collègue, qui lui a montré comment il fallait faire pour qu'il n'aille pas dire au pasteur, non, je ne peux pas. Parce qu'il a appris. Et je crois, il faut le faire. C'est l'occasion. Et je vous encourage réellement, je ne me fatiguerai pas de vous le dire, faites. Travaillez. Vous n'allez pas regretter parce que demain, quand vous serez dans la situation, vous serez à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc ce matin, ce n'est pas moi qui vais vous donner la parole. C'est le frère Lassina qui va nous donner la parole. Et j'ai dit à Lassina, tu as plein de personnes de ressources autour de toi. Si tu veux partager, tu as Draman qui a fait une vidéo. Tu as ta femme qui a fait une vidéo. Il y a tellement de gens autour de toi et il y a des documents. Donc je crois que je n'ai pas vu quelqu'un venir vers moi pour me dire, je veux, pour cette prédication-là, est-ce que pasteur, il y a ceci, puis j'ai dit, il n'y a pas de document, non. Ou bien, comment on va dire ceci, je n'ai jamais vu quelqu'un. Mais je vous encourage, chacun n'a qu'à se débrouiller pour faire quelque chose. Donc là, c'est là. Voilà. Ok. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, courage. Ça va me trouver. Gloire à Dieu. Bonjour et soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Je sais que nous avons beaucoup de théologiens et au cas où je venais à ne pas aller dans le bon sens, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour redresser. Et ici, il ne s'agit pas de mes cours à l'école, parce que là-bas, je comprends bien ce que je fais. Et là-bas, je suis, l'écart entre moi et mes élèves, c'est très grand. Donc, là-bas, je ne crée rien. Mais ici, il y a beaucoup de personnes qui sont devant et qui comprennent mieux ce que je vais dire ce matin. Avant de commencer, je vais raconter une petite histoire. Et dans la Bible, on a vu fréquemment l'histoire du vin qui ressort. Et on se rappelle tous de l'histoire de l'eau que Jésus a transformée en vin au noces de Cana. Et mon histoire, c'est l'opposé. Il y a eu autre histoire où les hommes aussi ont transformé le vin en eau. C'est de cette histoire-là. Donc c'est cette histoire que je vais vous raconter. Il y avait une communauté religieuse qui voulait organiser une fête, une grande fête. Maintenant, ils ont décidé de réfléchir pour trouver ce qu'ils vont faire de particulier ce jour-là pour que la fête soit vraiment belle. Comme on a l'habitude de le faire, quand il y a un mariage, on s'assoit, il y a des comités, on réfléchit. Donc, ils voulaient réellement faire quelque chose de particulier, une touche personnelle, donc pour que la fête soit réellement belle. Et, entre-temps, dans le groupe, quelqu'un a eu l'idée que c'est mieux que ce jour-là qu'il y ait un vin particulier. En tout cas, qu'il n'existe pas. Personne n'a jamais bu ce vin-là. Personne n'a jamais vu ce vin-là. Et comment ils allaient produire ce vin-là. Donc, ils ont dit à chacun d'apporter une bouteille de vin. Et ils ont déposé un fût à l'église. Si tu amènes ta bouteille, tu renverses, tu ouvres, tu renverses là-bas. Et on a laissé le fût là. Donc chacun, en fonction de ses moyens, le jour que tu as eu ta bouteille, tu passes, tu renverses ton vin là-bas. Et le jour-ci, on va se retrouver avec du vin, un mélange de vin de toute origine, de toute source. Ils se sont séparés sur cette base-là et chacun devrait aller chercher sa bouteille. Il y a eu un homme, quand il est rentré chez lui, il avait déjà une bouteille de vin à la maison. Et puis c'était la seule bouteille de vin. Il s'est dit, si je pars, je renverse cette bouteille-là, il ne me restera plus rien. Mais ce n'est pas grave. Comme c'est des centaines de bouteilles de vin qui seront renversées dans le fût, si j'amène un litre d'eau et je renverse, ça va rien changer et personne ne le saura. Donc rapidement, il s'est retourné avec un litre d'eau qui s'est caché et il allait renverser dans le fût. Et c'est comme ça que ça s'est passé le jour de la fête. Les gens ont commencé à danser et le moment de manger est arrivé. Maintenant, on part, on veut amener le vin spécial pour déguster. Mais malheureusement, chacun avait pensé comme cet homme-là. Et ils se sont retrouvés avec de l'eau. Donc voilà, les hommes aussi, ils ont produit un miracle. Mais ce miracle-là, c'était de transformer le vin en eau. Donc c'était juste pour vous amener à vous relaxer un peu. Et j'espère que plusieurs fois, Mes prédécesseurs sont passés ici et je me rappelle du message de Kinani. Il a dit que le pasteur n'est pas là et qu'on allait boire de la bouillie. Bon, aujourd'hui, moi, je vais ajouter que ce n'est pas la bouillie, mais c'est de l'eau. On va boire de l'eau aujourd'hui. La Bible dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, on va boire l'eau aujourd'hui. Et avant de continuer, je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est déjà mis en colère? En colère, c'est énervé. Vraiment en colère. C'est arrivé? Là où c'est arrivé, levez bien vos mains, je ne veux pas. C'est tout le monde. Ah. Donc, je ne vais pas continuer de poser des questions. Je vais considérer que c'est les effets que la colère produit en moi, c'est pratiquement les mêmes effets et on va pouvoir avancer. Dans le message que je tiens donc à donner aujourd'hui, c'est suite à une colère que Dieu m'a inspiré ce message et m'a demandé si je pouvais partager ce message avec vous. Ce n'est pas de mon habitude. Si c'était pour venir chanter, c'était facile. Mais venir prêcher, c'est très difficile et je n'ai pas l'habitude de m'exercer à ce métier-là. Ce n'est pas ça dans ma vision. Je ne veux pas faire carrière dans ça. Voilà. Donc, c'est difficile. Et ici, on parle de Dieu. On dit Dieu a dit. Pourtant, on entend la scène qui parle. Donc, ça veut dire quelque part, si je venais à interpréter mal ce que Dieu dit réellement, ce n'est pas Dieu. Ce jour-là, moi aussi, j'étais en colère. Donc, je ne vais pas rentrer dans... Tu sais, le message est très long. C'était suite à une colère. J'étais vraiment très énervé. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet de riposte de mal pour aussi montrer que moi aussi je peux faire quelque chose. Je suis rentré, je me suis couché, les idées tournaient. À un certain moment, je me suis dit que non, je ne dois pas faire ça. Mais je ne m'empêchais pas de chercher encore des idées pour faire réellement mal, pour montrer que moi aussi je peux riposter. Puisque quand ça arrive, c'est ce qui nous vient en tête. Et à un certain moment, une voix me dit de prendre ma pile. Quand j'ai pris la pile, j'ai ouvert et je tombe sur un passage. Et nous allons lire. C'est Luc 22. On va lire du verset 31 à 34. Mais ce sont les deux premiers versets qui m'intéressent, donc le plus. Je vais demander à quelqu'un de lire. Un volontaire pour nous lire rapidement, pour qu'on puisse gagner en temps. Luc 22. Versets 31 à 34. Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue le grain pour le séparer de la paille. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre, n'ira pas aujourd'hui avant que tu aies arrivé, toi, toi que tu ne le connais pas. Merci beaucoup. Dans une autre version. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le corps, le comment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, appelle-lui tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le corps ne changera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Ok. Donc, on peut continuer de lire dans d'autres versions. Parce que moi-même, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a paru bizarre, je ne comprenais pas. Et j'ai cherché à lire le même passage dans six versions différentes. Et nous allons de temps en temps nous référer à ces versions-là. La version que moi j'ai beaucoup aimée, c'est le semeur. Là-bas, je lis seulement les deux premiers versets. Il est dit, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la paille. Mais, moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Donc, c'est cette version-là qui m'a beaucoup plu et m'a aidé à comprendre un peu le sens de ce passage-là. Donc, nous allons rapidement voir un peu de vocabulaire pour nous aider à comprendre. Le premier mot sur lequel je vais insister, c'est « cribler ». Donc, dans certaines versions, on arrive à saisir déjà c'est de quoi il s'agit. Après quelques recherches, voilà ce que j'ai retrouvé. On a dit du temps de Jésus, la récolte du blé réclamait beaucoup de temps et d'efforts. En premier lieu, les moissonneurs assemblaient le blé en gerbes. Ensuite, ils battaient contre une surface dure ou faisaient passer un traîneau, donc quelque chose qui traîne, tiré par des animaux sur les tiges, afin de les réduire en morceaux. Ce procédé libérait le grain de l'épi de la paille. Puis, les agriculteurs lançaient le tout en l'air. Le grain retombait sur l'aire de bataille, donc la surface de bataille, tandis que la brise emportait la balle, donc au loin. En dernier lieu, le grain était passé au crible pour être débarrassé de tous les déchets restants. Deuxième terme, c'est convertir. Je vais retenir seulement changer, transformer. Donc, dans la version du semeur, il dit quand tu seras revenu à moi. Troisième terme, affermir. Donc, plus simple, rendre plus ferme, plus solide, rendre plus rassuré, plus fort. Quelques synonymes, c'est consolider, fortifier, renforcer. Je vous ai donné déjà le contexte dans lequel Dieu m'a donné ce message-là. Donc, j'étais couché, pensant à mon projet de riposte. Et quand j'ai ouvert ma Bible, Dieu m'a dit de prendre la parole et de commencer à lire. Ça va me permettre d'orienter mes pensées ailleurs. je tombe sur ce passage. Et j'ai commencé à méditer ce passage. Et cette méditation, si on va me conduire donc au message que je vais vous donner ce matin. Un peu de contexte dans lequel les événements se déroulent. Approximativement, je ne peux pas dire avec exactitude c'est quand. C'est entre l'an 30 et 33. Donc, après Jésus. Voilà. En ce moment, Jésus avait 33 ans et demi, puisque c'est juste quelques instants avant sa mort. Et il avait quitté Béthanie, donc il était rentré pour la fête, donc la Pâque. Il a mangé avec ses disciples et il se dirigeait vers le mont des Oliviers pour prier. Et voilà, il causait avec ses disciples. Bon, tout à coup, il se tourne vers Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, pendant que, vous voyez, juste après le repas, il y avait Judas de l'autre côté qui accélérait les événements pour l'arrestation de Jésus. Et Jésus se dirigeait aussi sur le mont des Oliviers où il a fait sa dernière prière. Et après, il est descendu dans le jardin des Gethsémani où on l'a arrêté. Donc, et si on lit la suite, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de jours, tellement il y a beaucoup à raconter. Mais quand j'ai fait quelques recherches, c'était approximativement le jeudi soir. Et que c'est le vendredi, vers midi, il a été crucifié. Bon, si je me trompe, parce que c'est ce que j'ai trouvé, que je partage. Mais c'est le contexte dans lesquelles les choses se déroulaient. Maintenant, nous allons voir un peu et quelques leçons que nous pouvons tirer donc, de ce passage-là. Premièrement, il y a la personne de Simon Pierre qui est visée par l'ennemi. Et le passage, si on lit, c'est dit, Satan vous a réclamé. Donc, c'était tout le groupe. Mais le deuxième verset, Jésus personnalise. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Bon, je me dis qu'il s'agit de Simon précisément. Mais dans le premier verset, verset 31, Satan vous a réclamé. Ça veut dire, vous qui me suivez, vous mes disciples, Satan vous réclame. Il veut vous cribler comme le froment. Si nous regardons un peu l'histoire de Pierre dans le groupe, il était le plus dynamique entre griffes, si je peux le dire. Actuellement, si on veut recruter, on dit qu'on a besoin de quelqu'un de dynamique. Si je demandais de citer les disciples de Jésus, en tout cas, beaucoup allaient sauter à l'armée de mort de Pierre. Il était dynamique. Il répondait aux questions rapidement. Il s'est dit tout le temps, il est dynamique. Et on voit que certains disent que lui et Jean étaient en tout cas les plus proches que Jésus a envoyé. Si on voit, c'est eux que Jésus a envoyé pour lui préparer donc la Pâque. Et c'est lui, Pierre encore, c'est à lui que Jésus a dit, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Ça veut dire que Satan, celui qui l'a choisi pour attaquer, il sait que, en tout cas, c'est le leader, quelqu'un de très utile, un élément clé de l'équipe, et s'il arrive à le terrasser, en tout cas, il va remporter la victoire, donc la bataille, si je peux le dire comme ça. Et nous aussi, nous ne parlons pas des leaders, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a ni grand ni petit. Mais quelque part, nous pouvons tous être leaders selon ce que nous faisons. Dans notre communauté, il y a certains qui s'occupent de la prédication, d'autres s'occupent de la chorale. Voilà, il y a les musiciens. Quelque part, si nous regardons, nous jouons chacun un rôle crucial, donc pour l'œuvre du Christ. Et par conséquent, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous leaders, si je peux le dire comme ça. Et nous sommes tous des cibles potentielles de l'ennemi. Et je vais même aller à dire que c'est quand nous pensons que nous sommes un peu au sommet, que l'ennemi même vise bien. Lui aussi, il ne vise pas n'importe qui. C'est quand il regarde, il sait que bon, dans ce groupe-là, c'est le choriste, s'ils arrivent à terrasser telle personne, en tout cas, la chorale-là, ça va fonctionner difficilement. Ou bien, dans le groupe des musiciens, s'ils arrivent à terrasser cette personne-là, ça va fonctionner difficilement. Ainsi de suite, il cherche. Il veut cribler comme le froment. Et comment Satan attaque-t-il? Comment il va nous attaquer? C'est aussi simple et compliqué. C'est dans notre quotidien, dans ce que nous faisons tous les jours. Il peut nous inciter peut-être à suivre un mode de vie matérialiste ou à choisir des divertissements malsains. C'est quelque chose qui n'est pas bien, mais qui nous amuse. On aime faire ça. À adopter une conduite sexuelle immorale. Je donne juste des exemples. Il y a la persécution. Si on regarde le cas de Pierre, on va voir tout à l'heure, c'est parce que les circonstances vont se compliquer. Sinon, il n'avait pas opté de renier, mais les circonstances vont se compliquer. Il va avoir peur. Il peut avoir recours à des camarades de classe, donc, ou d'université, à des collègues de travail, à des frères. Vous faites quelque chose et vous estimez que c'est bien. Vous sacrifiez, vous donnez. Vous voulez que ça marche. Peut-être quelqu'un va te dire, ah ça là, je n'aime pas quand c'est comme ça. Et ça te démotive. Ça te décourage. Tu veux abandonner ce que tu faisais de bien. Tout simplement parce que quelqu'un t'a parlé et ça t'a pas plu. C'est comme ça, c'est des petites astuces de l'ennemi. C'est aussi simple et en même temps compliqué. Donc, ceux qui sont des enseignants comme moi, c'est au lycée, voilà, vous allez avoir affaire à toutes ces jeunes demoiselles donc, qui vont essayer de vous tenter. Et quand je parle, je sais que certains peuvent savoir c'est de quoi il s'agit, mais ce n'est pas aussi facile. Une fois, je corrigeais les copies, il y a d'autres qui mettent leur numéro là-bas, et je montrais à Ebenezer, je dis voilà, tu vois. Donc, c'est juste dire qu'on ne peut pas énumérer tout. Et c'est généralement, peut-être, ça peut être dans les choses les plus simples comme dans les choses les plus complexes. Un autre exemple, c'est quand j'étais à Rodara, quand le monsieur est arrivé avec son matériel et que ce n'était pas bien, j'ai commencé à vouloir me plaindre. Il m'a dit, laisse ça, tu vas manger. Non, il suffit que je ne dise rien et je vais manger. Quand il insistait, il y a mon collègue, lui il est pasteur, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on va écouter le monsieur là. Il dit de ne pas m'inquiéter du matériel, de m'inquiéter de moi-même, je vais manger. Et quand il a compris que non, je n'étais pas d'avis, je n'allais pas changer, rapidement, je sais que ça a remonté jusqu'au pasteur. On m'a appelé. Je dis, ma décision reste la même. Si le pasteur, comme lui, n'est pas sur place, il ne peut pas le savoir, c'est de quoi il s'agit. Mais au moins, comme c'est à Ordara, ça tombe bien, il peut faire appel à quelqu'un qu'il connaît bien. Lui aussi va être témoin. Et lui faire le compte-rendu. S'il juge que le matériel est bien et que je peux réceptionner, je réceptionne en même temps que c'est en son nom. Son nom, c'est pas moi-même. Je ne suis pas comptable de voilà, cet acte-là. Quand le passeur a appelé, je ne me rappelle pas qu'il m'a rappelé pour dire d'aller réceptionner. Et c'est chaque jour dans votre vie, partout, ça peut être dans la circulation, quelqu'un t'énerve. Tu veux faire la bagarre. Je suis allé pour garer à la station. Un monsieur vient. Monsieur, vous ne pouvez pas garer ici. Et je dis, vous avez le permis? Je dis, oui. Vous ne pouvez pas garer ici. Je dis, mais je pense que logiquement, je peux garer ici. Et j'ai l'habitude même de garer ici. Si vous garez ici, vous allez marcher rentrer chez vous. J'étais énervé. En même temps, je suis sorti, j'ai fermé la portière et puis j'ai commencé à avancer. Il a mis sa main sur moi et je m'apprêtais aussi à riposter. Parce que je lui ai dit, quand on dialogue, je peux t'envahir. Mais quand tu commences à mettre ta main sur moi, je dois me battre parce que je ne sais pas c'est de quoi tu es capable. Et les gens sont venus. Il y a des gens qui ont commencé à expliquer qu'en réalité, c'est des funérailles. Et eux, ils veulent barrer la voie. Puisque moi-même, je lui ai dit de me donner le papier. Les papillons qui montent, et eux aussi, ils ont l'autorisation de barrer la voie. Donc, eux, ils ont barré la voie à l'occasion de ces funérailles-là. Et ils lui ont positionné là pour lui dire, quand quelqu'un veut garer, de lui demander, comme l'espace est coincé, de ne pas garer pour qu'eux puissent exploiter l'espace. Donc, de faire pardon et de rentrer. Mais même quand je rentrais là, mon cœur là bouillait comme ça. Je voulais faire quelque chose. Vous voyez, partout, donc je n'ai pris que quelques exemples. Tout ce que l'ennemi va mettre devant vous comme ça, l'objectif, c'est aussi simple. C'est pour écrouler votre foi. Anéantir votre foi. Et je vous laisse continuer la réflexion pour pouvoir avancer un peu. Et comment nous pouvons résister? Si nous nous référons à ces passages-là, la Bible dit, Christ, il n'a pas juste dit à Pierre que Satan le réclame. Il a ajouté, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, voilà un peu la solution. Il y a des moments, certaines difficultés vont se présenter devant toi. Tu crains pour ne pas tomber dans le péché. Tu vois venir, la tentation est là, tu pries. Mais c'est comme si la situation même n'écoute pas ta prière. Si la situation n'est même pas censée écouter ta prière, c'est Dieu qui écoute. Et malgré tes prières, ça avance. Rappelle-toi que Christ prie pour toi. Et ce jour-là, quand je réfléchissais à mon projet de mal, après avoir lu ce passage, il y a beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. Et je vous voyais comme ça devant moi. Et je me disais, si je fais ça, on m'a dit, oui, c'est le président du comité qui a fait ça. D'autres m'ont dit, je ne pensais même pas que la scène peut faire ça. En même temps, je pensais à vous tous. Et je me suis dit, donc, je ne dois pas faire ça. Si je fais, et que un jour vous venez à découvrir, vous estimez que je ne devrais pas faire ça. Et puis, dans ce cas, c'est que je ne dois pas faire ça. Je me suis arrêté là et j'ai continué à méditer le passage. On va voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Jésus a vu une situation venir, la tentation. Il a averti Pierre. Est-ce que Pierre va s'en sortir? Nous allons lire le deuxième passage. Luc 22, 54 à 62. Quelqu'un pour nous lire rapidement. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du citoyen sacrificateur, qui est suivi de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit : Cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant : Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit : Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit : Homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant : Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit : Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me le diras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc, oui, tu peux arrêter là. Voilà ce qui s'est passé. Christ a averti Pierre du danger, de la tentation qui arrivait. Pierre était solide, il avait confiance en lui-même puisqu'il se rappelle de tout ce qu'il a fait avec Jésus jusque-là. Mais quand le moment de la persécution est arrivé, je vous ai dit qu'il y a eu tellement d'événements qu'on a l'impression que ça s'est étalé sur un long temps. Mais tout se déroule dans la soirée. On vient de manger, ainsi de suite, les choses s'enseignent. Donc un peu tard la nuit. Et on précise même, bon, si on dit le coq chante, je me dis que peut-être c'était le petit matin. Et on nous précise qu'il faisait froid. Et j'ai fait quelques petites recherches pour voir pendant le mois d'avril, puisque on a dit que ça s'est passé dans le mois d'avril. Normalement, il doit faire chaud, comme ce qui se passe chez nous. Mais là-bas, on dit que la température, c'est entre 12 et 22 degrés, donc dans le mois d'avril. Donc, il fait froid, puisque ici, déjà à 20 degrés, nous-mêmes, on souffre. Quand en décembre, on dit qu'il fait froid là, en réalité, c'est 18, 20, ça vacille dans cette fourchette. Donc, imaginez, en avril, on est à 12 degrés. Donc, il faisait réellement froid. Et les gens étaient autour du feu. Maintenant, Pierre, les autres disciples avaient déjà fui lors de l'arrestation. Et Pierre suivait. Maintenant, il était autour du feu. Et les gens l'interrogeaient. Pierre voyait ce qu'on faisait à Jésus. Il savait que s'il répondait oui, ce qui allait se passer. Mais au moment où il avait cette conviction que même jusqu'à la mort, lui ne va pas le réunir là, c'était vrai, il avait confiance en lui. Ça allait, il n'y avait pas l'ennemi. Mais quand le mal était devant lui, quand l'ennemi manifestait donc, terrorisait le Christ, entre Christ, il fait froid, on tape, ça fait très mal. Lui, il voyait ça. On interroge, il est réuni trois fois. Et lui, il ne le connaît même pas. Il ne faut pas me poser des problèmes. Lui, là, je ne le connais pas. Mais c'est lui qui était dynamique. Il a fait. On peut citer beaucoup d'histoires où il a intervenu. Maintenant, on va vers la fin. Et la fin, il se rend compte. Effectivement, ce que le Christ disait, c'était vrai. Et déjà, on sent ce remords en lui parce qu'il a pleuré. Il a su que sa foi vacille réellement. C'est pas sûr qu'il puisse continuer. Et ça peut nous arriver tous. Il y a des moments quand notre vie spirituelle, tout va bien, on peut se poser beaucoup de questions. Comment ça va arriver? Moi-même, je vais faire ça. Mais actuellement, ça va. Mais il peut y avoir des circonstances très complexes. Peut-être tu galères. Ça ne va pas du tout. Et un jour, quelqu'un apparaît avec un deal. Tu reconnais que ce n'est pas bien. Mais tu as galéré pendant des mois. Et tu as l'impression que c'est la seule occasion à saisir pour pouvoir souffler un peu. Mais peut-être un jour, si on te dit, tu allais faire ça, tu vas dire, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Mais les circonstances peuvent changer. Notre foi, il y a des hauts et il y a des bas. Et quand ces moments, nous traversons ces moments de bas, le plus important, c'est de ne pas perdre la foi. Le plus important, c'est de ne pas perdre la foi. Puisque c'est l'objectif que l'ennemi vise. Si vous traversez ces moments et vous arrivez à vous relever, c'est comme si vous avez remporté la victoire pour une bataille. Mais si vous perdez la foi, c'est comme si l'ennemi vous a vaincu pour toujours. Je pouvais continuer encore de citer beaucoup d'autres exemples. Mais comme je l'ai dit au début, mon message est un peu long et je suis en train de courir rapidement pour terminer. On passe au dernier élément donc de notre texte, c'est-à-dire le point « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et ça serait paradoxal, mais c'est ce point que j'ai retenu comme thème de mon message. Donc, vous avez le thème, mais j'ai préféré donner le thème à ce point précis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous allons voir qu'après ces événements, les disciples vont rester dans la clandestinité. Bon, peut-être même on peut dire que bon, tout est sur le point de finir, parce que se réunir n'était plus possible, chacun se cachait, parce que les rois donc, étaient décidés à étouffer dans cette affaire du Christ et finir avec sa peau de bon. On va voir que c'est juste qu'à la résurrection que Pierre va encore apparaître. Sinon, bon, si quelque part il s'est signalé, je n'ai pas vu. C'est à la résurrection, quand les dames Marie est allée voir la tombe et il revient dire que le Christ est réellement ressuscité, que Pierre aussi va courir, mais pour aller voir si c'est vrai. Ça veut dire qu'il ne croyait même plus. Maintenant, après ces événements, Christ est là, il essaie de les encourager, mais après l'ascension encore, ils sont dans la clandestinité. Ils ne se manifestent pas trop comme ça. Jusqu'à la Pentecôte. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, on va voir Pierre parler. Nous allons lire le dernier passage, Actes 2. Versets 22 à 47, sans commentaire. Quelqu'un pour nous lire rapidement. Acte 2, versets 22 à 47. En Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage de l'homme par les miracles, les prodiges et les signes. Il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des ennemis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. soit point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans la négresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire demain au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ de Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour nos enfants, pour vous tous, pour tous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les accueillera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ok, on va arrêter là. C'est le passage de l'exhortation de Pierre, quand il a commencé à se ressaisir. C'est le début de l'Église. Si on prend les disciples de Jésus, les diétés, on ne va pas faire de commentaires sur le texte. Judas a trahi Jésus. Pierre l'a renié. Bon, les autres, ils ont fui. En tout cas, après Judas, je veux dire, c'est lui seul qui, parmi l'équipe de groupe qu'on a précisé, qui l'a renié. Il ne le connaît même pas. Mais c'est le même Pierre là qui donne ce message. Ça veut dire qu'il s'est réveillé. Et quelle leçon nous pouvons tirer de ce passage là? Lorsque on traverse des épreuves et même que on tombe dans le péché, de les signaler, le plus important, c'est de ne pas perdre sa foi, de toujours garder la foi et ayez en idée que le Christ, il prie pour vous, il prie pour moi, nous-mêmes, nous prions les uns pour les autres. Et si vous essayez de vous relever, certaines difficultés peuvent se présenter. Toi-même, tu vas te dire, ah, après ça là, comment je peux aller encore m'arrêter les gens, devant les gens et puis prêcher? C'est compliqué. Quelqu'un pouvait dire à Pierre, ah, c'est pas toi qui as dit que tu ne le connais même pas. Nous, on est venus, on n'a pas dit ça. Mais c'est toi, toi-même, tu as dit que tu ne le connais pas. La difficulté en ce moment de celui qui se relève, c'est ça. Comment, après tout ça, je peux encore me tenir debout et avancer? Une fois, je disais à mes élèves que la vie là, c'est fait seulement pour avancer. Il n'y a pas de recul possible. Parce que dès que tu es né, indépendamment de ta volonté, tu avances vers la mort. Ou bien il y a quelqu'un qui n'avance pas. Les années passent, notre âge augmente et on voit toutes ces modifications morphologiques qui arrivent. Et voilà, à un certain moment, on voit qu'on commence à perdre. Donc, les choses ne font qu'avancer. Si on se lève le matin, on s'est levé, le temps n'a fait qu'avancer. Donc, ça veut dire par principe, on devrait avancer. Logiquement, par principe, on doit avancer. Donc, quoi qu'il en soit, s'il arrive que votre foi, en tout cas, s'ébranle, soit sur, en tout cas, le point même de disparaître, tenez bon, essayez de vous relever et ne vous laissez pas aller dans ces difficultés parce que il peut y arriver que certains de vos frères et sœurs qui ont même passé par les mêmes difficultés, au lieu de vous encourager, peuvent être des spectateurs. Ils vous observent seulement dans votre vie, difficulté, au lieu de vous secourir. Ils vont dire, en tout cas, c'est bien avec lui, hein. Il pensait qu'il est le saint. Puis on ne te connaît pas dans ça, ça est arrivé. Il pensait qu'il est le saint, ça ne pouvait pas arriver, mais lui aussi il va vous dévoiler. Il pensait qu'il est mieux que les autres, maintenant lui aussi il va voir. Ton entourage peut jouer seulement ce rôle de spectateur et voir même se moquer de toi. Si on lit un peu plus haut, quand les disciples ont commencé à prophétiser, la foule a commencé à se moquer au tout début. Mais il a fallu que Pierre intervienne de façon ferme pour qu'il se calme et commence à écouter jusqu'à la fin, ils vont se convertir. Ça, c'est celui qui essaie de se relever. Maintenant, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peut avoir traversé une difficulté qui a failli donc nous amener à perdre la foi. Et le plus important, c'est de pouvoir nous servir de cela pour affermir nos frères. Souvenez-vous du roi David. Dieu l'a apprécié parce qu'il savait se relever. Et il a toujours été un modèle, un leader pour faire avancer les choses. Et quand on pense même à ce qu'il a fait à Uri, je ne pense pas qu'après avoir fait ça, il méritait encore de se tenir devant les autres pour les parler de Dieu. Il a convoité la femme d'Uri, il l'envoie au front, il le met dans une position où il est sûr qu'on va le tuer pour avoir sa femme. Mais c'est de cet avis qu'on parle beaucoup dans la Bible. Il s'est relevé. Pierre s'est relevé. Si nous aussi on se relève, la Bible nous recommande d'affermir nos frères. De ne pas utiliser cela pour autre chose, c'est juste encourager. Dire, ne t'inquiète pas, ça m'est déjà aussi arrivé, tiens bon, tu vas t'en sortir. Je termine par quelques leçons. Premier point, nous sommes tous des potentiels cibles de l'ennemi. Et son objectif, c'est pour nous cribler comme le blé. Ça veut dire nous détruire simplement, détruire notre foi, quelle qu'en soit notre position et quelle qu'en soit notre zèle pour le Christ. Deuxième point, malgré ça, nous ne devrons pas craindre. Christ lui-même prie pour nous. Et nous ne... Troisième point, il faut toujours garder en tête que notre vie chrétienne, il peut y arriver qu'il y ait des bas. Et c'est un moment très important il faut garder en tête qu'on doit se relever. Et dernier point, il faut se servir de cela pour encore avancer et aussi affermir les frères et sœurs. Quand je me suis détourné de mon projet de mal, voilà ce que Dieu m'a recommandé. Et maintenant, je pense que je viens de l'accomplir. Et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.